L'agence télégraphique centrale de Corée a publié le commentaire titré « Balivernes écœurantes » qui dit notamment « Le 8 dernier, Haley, représentante américaine à l'ONU, a dit, lors de la conférence de presse ouverte après la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de la mesure face au lancement de fusées balistiques coréennes, qu'elle le condamne et qu'il n'y aura pas de négociation. À la fin, elle a même calomnié notre dignité suprême en disant qu'ils n'ont pas affaire à une personne raisonnable. » Ces derniers propos sont des balivernes d'un prématuré politique et diplomatique dépourvu de la capacité d'analyse et de jugement des objets et de celle d'expression du langage élémentaire. Rappelons que cette femme est une escroque politique et une criminelle qui a été condamnée à peine d'amende pour s'être déguisée en blanche pour le but politique et pour avoir caché d'avoir reçu en secret de l'argent des donateurs lors des élections des préfets 2010. Au présidentiel de l'année dernière aussi, elle s'était opposée catégoriquement au maître de la Maison Blanche, mais lorsque l'actuel président a pris fonction, elle a fait volte-face pour se jeter dans ses bras et obtenir même la fonction de représentante américaine à l'ONU, ce qui montre sa capacité de changement à surprendre le caméléon. À force de suivre seulement la promotion et l'argent en abandonnant la conscience et la vertu, elle est maintenant incapable de discerner le vrai de la fausseté, la raison de la déraison. Nous n'avons aucun intérêt à négocier avec des personnes anormales comme Haley qui lancent des balivernes téméraires dépourvues du concept élémentaire sur la raison.